placement des loups. Les polices de top couille, on en a plein les couilles. Sans cette état de trouille, les minutes qu'on la couille. C'est sans façon matin, le bon des citoyens. Qui a volé du pain parce qu'il avait faim. Je te fais des putains sous des bouches à moulin. Les femmes n'ont pour rien reçu pour des chiens. Eh oh, pirates, ils ont pour un coup de matraque. Eh oh, bravo, ils ont pour un coup de marteau. Eh oh, à toi, pour un coup de beretta. Eh oh, c'est un nom, les télés nous voudront. Ils vont passer dans deux mois. C'est con.